François Ndegwa, on est en train de sortir et la question effectivement monétaire est assez importante pour le professeur Nicolas Agbéou avant que d'évoquer effectivement une véritable monnaie de réserve mondiale de la part des BRICS. Il faille absolument que l'Afrique aille cette fois-là en rang serré dans ce véritable boulevard économique en mettant effectivement sur pied une monnaie unique africaine. Votre avis là-dessus, je vous en prie. Je crois que la question monétaire est centrale et elle avait été vue très très tôt depuis le sommet de Casablanca, le groupe de Casablanca. Ils avaient pris 4 décisions. Vous savez, c'était le groupe qu'avait convoqué à Casablanca en février 1961 le roi Mohamed V avec 4 de ses collègues. Kwame Nkrumah du Ghana, Modibo Keïta du Mali, Ahmed Sékou Touré de Guinée, et puis Nasser, Gamal Abdel Nasser. Ils se sont réunis et ils ont produit ce qui, à mon avis, est le meilleur document sur l'unité africaine qui existe jusqu'à ce jour. Et ils avaient prévu, c'est un document très court, malheureusement. Ça tient en 2 pages, mais pour moi c'est le meilleur document sur l'unité africaine. Et dans ce document, ils prévoyaient notamment, on parle aujourd'hui d'une armée africaine, ils avaient prévu entre autres un haut commandement militaire et ils envisageaient déjà la question de l'unité africaine. C'était des gens très pragmatiques qui avaient vu des choses beaucoup plus en avant. La question monétaire est revenue au mois de mai 1991 dans le traité d'Abuja, où les dirigeants africains ont adopté, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous ne devions plus être en train d'en discuter, puisque c'est une décision qui a été déjà actée par les chefs d'État. La question à Abuja, qui a été en 91 et qui est entrée en force, je crois, en 93. Plus important encore, quand on a créé l'Union africaine par son acte constitutif, à Lomé au Togo en juillet 2000, donc il y a 23 ans, l'article 19 de l'acte constitutif crée 3 institutions financières. Et je dis qu'il y a la signature de tous les dirigeants africains, de plus d'une cinquantaine de dirigeants africains, sur cet acte constitutif, donc qui crée entre autres la Banque centrale, le Fonds monétaire africain, la Banque centrale africaine, le Fonds monétaire africain, et puis la Banque des investissements africains. Ben, on peut se poser la question, quelle est la valeur de la signature des dirigeants africains s'ils prennent une décision et 23 ans plus tard, ils n'ont même pas commencé à appliquer. Celle qui était sur le point d'être appliquée, c'était la Banque des investissements africains, dont le siège était à Sirte, à Tripoli. Le siège était déjà donné, je veux dire le headquarter, le bâtiment était prêt, ils avaient déjà avancé dans la signature des documents constitutifs, les statuts étaient déjà décidés et ils étaient prêts. Pourquoi? Parce que derrière il y avait Kadhafi qui poussait de tous ses efforts et il avait une vision très très claire. Et évidemment, c'est une des raisons, vous savez qu'on a vu entre autres un mail de Wikileaks de Madame Hillary Clinton, cette petite diablesse qui a couru, que le projet de Kadhafi était donc abattre Kadhafi. Parmi les raisons pour fallait l'abattre, il y avait ces raisons. Les gens ont dit une raison monétaire, mais en fait, c'était que Kadhafi avait poussé pour créer la Banque des investissements africains qui est le plus avancé. Alors, on a un grand pays comme le Niger, on doit se poser la question, quel est le rôle du Nigeria dans tout ça? Le Nigeria, c'est naturellement un géant au niveau de l'Afrique, par sa dimension, sa démographie, la qualité de ses hommes, parce que les Nigériens sont des gens très très cultivés. Aux États-Unis ici, il n'y a pas eu une université, vous ne trouverez pas de professeur du Nigeria. Dans leur sagesse, les dirigeants africains avaient réparti géographiquement les sièges des différentes institutions. Le siège de la Banque centrale devait être donc, est à Abuja au Nigeria. Donc ça veut dire que depuis 22 ans, 23 ans, le Nigeria aurait dû pousser ceci pour avancer. Modestement, à ma place, j'ai eu l'occasion de rencontrer le président Buhari lui-même, lors de sa première visite à Paris. J'ai été introduit par un ambassadeur nigérien qui connaissait un peu mes travaux sur les questions monétaires. J'ai demandé au président, mais écoutez, votre pays a été choisi unanimement comme le siège de la Banque Centrale Africaine, et ce qui vous donne un rôle majeur dans cette histoire. Vous devez pousser pour la création de la monnaie unie africaine. Mais j'avais l'impression que j'avais en face de moi quelqu'un qui n'était même pas au courant de la question. Je parle avec beaucoup de respect pour le président Buhari, mais il tombait quasiment des nues. Donc vous voyez que les dirigeants africains, et vous pouvez poser la question à tous les autres dirigeants africains, on ne peut pas seulement dire je suis président de la République, j'ai le pouvoir, mais quand il y a une décision sérieuse, ils se cachent ou ils ne viennent pas commenter. Combien de présidents africains sont venus devant leur population expliquer les enjeux des questions monétaires et dire voici, moi j'ai signé pour la création parmi les statuts de l'Union africaine et dont la création de la Banque centrale africaine, c'est-à-dire de la monnaie unique africaine, et voici où nous en sommes 23 ans plus tard. Simplement, ils ne peuvent pas le faire parce que ils n'ont pas le sens de l'urgence, et vraiment c'est très très dommage, surtout dans une conjoncture comme celle-ci. On parle maintenant beaucoup de la monnaie du BRICS. Regardez comment les choses vont s'accélérer. Regardez, on n'a pas en moins d'un an. Je suis sûr que d'ici un ou deux ans, la question sera réglée. Pourtant, nous avons en face des pays disparates qui sont déjà des pays très puissants, chacun d'eux. La Chine, qui est la première économie mondiale, dire que c'est les États-Unis, moi je ne crois pas, mais ce n'est pas le débat. Dans mes calculs, les États-Unis, à l'heure aujourd'hui même, ne sont même pas la cinquième position en termes de puissance économique. Parce que la manière de calculer le PIB est très faussée et ne reflète pas la réalité de l'économie. On peut calculer le PIB par des manipulations monétaires et en jouant sur les avoirs financiers et le fait du dollar, mais la production réelle de la richesse, les États-Unis, de mon point de vue, ne sont même pas parmi les cinq premiers pays du monde. Si vous regardez, par exemple, la structure du PIB des États-Unis, vous verrez que le gonflement excessif des services, par exemple, les services hospitaliers, vous allez voir les assurances, vous allez voir les services d'avocats et compagnie, donc ça gonfle artificiellement le PIB américain. En l'air qu'en termes, ce qui pourrait être un indicateur, c'est le PIB industriel et de la production agricole et des biens réels et matériels. Bon, mais ça c'était de l'accessoire. Je me centre sur le problème de la monnaie et qui est majeur et auquel malheureusement les dirigeants africains n'apportent pas l'attention qu'il faut. Vous avez vu l'histoire avec la zone de libre-échange économique continentale. Je dois vraiment féliciter le président Youssoufou. Et les Africains ne s'en rendent pas compte. Le président Youssoufou du Niger a fait un travail formidable. Et je crois que les Africains devraient lui dire merci. Parce que il n'y a pas, depuis qu'on a créé l'OUA en 63, le 25 mai 63, il n'y a pas eu une organisation qui a abouti à son résultat aussi rapidement. La décision de créer la ZLECA coulait déjà dans l'air, mais c'est à Kigali, en 2018, je crois, que la décision a été coagulée et actée. Et alors, les chefs d'État africains ont nommé comme le responsable, le champion pour la ZLECA, le président Youssoufou. Je dois dire qu'il a fait un très très bon travail, il a fait un travail magnifique, et nous avons cet outil qui n'est pas parfait. Il y a beaucoup de choses à redire, et moi-même, pendant que j'étais à la réunion de Kigali, j'avais donné modestement mes réserves pour cela, parce que je crois que pour qu'une zone de libre-échange continentale comme celle-là, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, il faudrait par exemple s'assurer sur le droit de la concurrence. Il y a des problèmes techniques dont il faut s'assurer. Il faut que la question monétaire, comment faire pour expulser le dollar déjà des transactions intra-africaines, c'est-à-dire les systèmes de paiement, etc. Donc, nous avons avec le cas de la Zeleka, un exemple réussi, malgré encore tout ce qu'il y a à faire, parce que derrière, il y avait un homme qui a impulsé de la même façon que le Kadhafi était en train d'impulser la création de la Banque des investissements africains, et le siège du Fonds monétaire africain, c'était à Yaoundé. On attendait que les dirigeants camerounais poussent pour que le Fonds monétaire africain voit effectivement le jour. Aujourd'hui, nous n'avons rien et il n'y a pas. Vous n'avez jamais entendu un ministre camerounais, le ministre des Finances ou de l'Économie, venir vous dire voici où en sont nos efforts pour faire aboutir. L'Afrique nous a confié le siège du Fonds monétaire africain à Yaoundé. Nous, gouvernement camerounais, voici de ce que nous faisons au nom des Camerounais et au nom de l'Afrique. Ça n'existe pas. C'est dommage. Les gens ne font pas face à leurs responsabilités. Et il y a plus grave, pour ce qui concerne actuellement celui qui est le responsable des institutions, le champion parmi les chefs d'État africains pour les institutions financières, c'est le président du Ghana. Et hélas, vous ne l'avez jamais, c'est-à-dire que c'est lui qui devrait avoir en charge de pousser pour avancer dans la direction de la création de ces institutions. Comme encore une fois, l'exemplaire président Youssoufou a fait et a réussi par sa persévérance et sa capacité de conviction à nous amener, à nous donner cet outil qu'on appelle la Zeleka. Le président Nana Akufo-Addo du Ghana est défaillant sur ce domaine qui est pourtant crucial et qui l'est encore plus dans la conjoncture, la nouvelle conjoncture géopolitique et géoéconomique actuelle. Et pour cela, je vais faire une citation avant de m'arrêter. Je suis meurtri de voir que le président du Ghana n'arrive pas à réaliser cela, parce que le Ghana, c'est pas n'importe qui. Le Ghana, c'est le pays du président Nkrumah. Et je vais vous citer ce que disait le président Nkrumah. J'ai retrouvé cela la veille de la création de l'Union africaine. Et je crois que vraiment, les gens, on parle le nom de Nkrumah, mais on ne sait pas comment nous avons perdu de n'avoir pas pu suivre la vision de ce monsieur. Voyez-vous, avant que les chefs d'État n'arrivent au Ghana, à Addis Abeba, pour la réunion cruciale qui devait mener à la création de l'Union africaine, le président Nkrumah a envoyé son ministre des Affaires étrangères par avance et pour voir les dirigeants éthiopiens et l'empereur Haïlé Sélassié. Il a supplié ces gens. Il a dit, s'il vous plaît, mettons un seul point à l'ordre du jour. L'union, l'unité de l'Afrique. Ne discutons pas d'autre chose. Nous devons discuter d'une chose, l'unité de l'Afrique. Parce que nous pouvons nous prétendre tous indépendants, souverains, tout ça, mais ça ne vaut rien du tout. Notre indépendance individuelle ne vaudra rien du tout. Dès que nous aurons le moindre problème, nous ferons appel aux colonialistes. Si on a des problèmes de sécurité, nous ferons appel aux colonialistes. Si on a des problèmes économiques, nous ferons appel aux colonialistes et aux esclavagistes. Si nous avons des problèmes entre nous-mêmes, ils vont créer des problèmes entre nous. Alors que si nous nous unissons, nous pourrons échapper à ces problèmes et du coup nous serons forts. Donc, le président Nkrumah a envoyé une délégation avec son ministre d'abord pour demander cela. On le lui a refusé. Lui-même, il est arrivé. Il a mené les débats. Il a parlé énormément. J'invite les Africains à aller relire les discours de Nkrumah et l'activité de Nkrumah avant la création de l'Union africaine. La veille de la création de l'Union africaine, le 25 mai, il a encore fait un discours magistral. J'invite vos lecteurs, vos téléspectateurs, et j'invite tous les Africains à aller lire ce livre, ce discours. Je retiens un seul petit passage que je vais lire en deux secondes. Il dit, « The unity of our continent, no less than our separate independence, will be delayed if indeed we lose with the colonialism. » C'est-à-dire que l'unité de notre continent et dont notre force sera rejeté à plus tard, délai, donc sera relayé à un moment, il est dit, si nous ne nous unissons pas. Et il dit encore, « The social and economic development of Africa will come only within the political kingdom of not the other way around. » Et ce qu'il appelle ici par « political kingdom », c'est en fait l'unité. Et il dit cette chose très vraie, qui est encore plus vraie aujourd'hui, et qui lui donne raison, presque 60 ans plus tard. C'est-à-dire qu'il dit, si nous n'avons pas l'unité, nous ne pouvons pas avoir de développement économique ni de développement. On ne peut pas, on ne pourra pas parler de souveraineté parce que les compétiteurs étrangers sont déjà beaucoup plus forts et s'arrangeront toujours pour nous maintenir divisés et pour nous dominer. Moi, je pense que Nkrumah, malheureusement, a perdu lors de cette décision. Il y avait des gens comme Oufouet Boigny de Côte d'Ivoire et les gens du Nigeria qui sont venus avec un faux plan qu'on appelait le plan de Monrovia. Et c'est le plan de Monrovia qui a triomphé parce qu'on disait que c'est des gradualistes. Il faut d'abord que nous réfléchissions, nous faisions des blocs, etc. Les blocs de l'Est, les blocs du Centre, et après les blocs vont se rassembler. Mais vous voyez que tout ceci, ça n'a abouti à rien du tout. Et Nkrumah, qui avait déjà une vision claire, il a appelé cette création de blocs, il a dit c'est la balkanisation en grand. Vraiment, il a dit, vous pensez que vous allez faire des blocs, mais les blocs vont se durcir, et même, il se sera même plus difficile de communiquer entre eux. Et voyez l'exemple de la fuite du CFA. Avant, c'était même possible qu'on utilise des CFA du Cameroun en Côte d'Ivoire ou inversement. Mais il y a même une régression de ce côté, ce qui donne encore plus raison à Nkrumah. Parce que vous avez cru que vous allez faire les blocs, ce qu'on appelle aujourd'hui les Regional Economic Communities, mais ça ne résout pas le problème de l'unité. Donc vraiment, c'est pour moi la question centrale. Et je voudrais terminer une seconde avec notre ami qui a parlé tout à l'heure. Je prie de m'excuser que je sois un petit peu en désaccord avec lui sur la question des bitcoins. Mais si vous me donnez l'occasion, je pourrais expliquer pourquoi, de mon point de vue, les bitcoins sont un danger et que les pays africains devraient éviter parce que ça ne correspond pas à une monnaie. C'est un outil. Vous avez parlé des zinzins. Les zinzins, ce ne sont pas les investisseurs institutionnels, ce ne sont pas les ménages, ce ne sont pas les entreprises. Eux, ils ont pour but de spéculer. Les bitcoins, comme dont vous parlez, ce sont des outils de spéculation. Mais pour faire avancer une économie, on ne fait pas avancer une économie sur un outil de spéculation. Tout étudiant de première année de sciences économiques va vous donner les trois valeurs de la monnaie. Le bitcoin ne remplit qu'une seule de ces valeurs, de ces attributs, de ces fonctions, en savoir que c'est une réserve de valeur. Mais comme moyen d'échange, quelque chose qui aujourd'hui peut valoir 10 et le lendemain 10 000 et après demain 4 000, vous ne pouvez pas bâtir une économie là-dessus. Deuxièmement, vous ne contrôlez pas le bitcoin. Moi, je veux, quand moi je veux une monnaie, ce n'est pas de l'amusement. Les zinzins, ce sont des entreprises privées, c'est des entrepreneurs privés qui spéculent, qui peuvent perdre et tout cela. Mais quand vous avez la responsabilité d'un État, d'une nation, c'est-à-dire la vie de centaines de milliers de millions de personnes, vous ne vous amusez pas à spéculer. Imaginez que le bitcoin s'effondre, qu'est-ce que vous allez faire? Ensuite, autre raison, le risque de contrepartie. Au moins, quand vous avez une monnaie, vous connaissez la maison qui a émis cette monnaie, qui est en général la banque centrale, vous savez à qui vous prendre. Mais si le bitcoin s'effondre, vous n'avez qu'à vous plaindre à vous-même. Et vous allez vous faire que des millions de personnes de la population, les millions d'entreprises qui se sont engagées sur le bitcoin vont se retrouver sur la rue et ne sauront pas à qui s'en prendre. Et d'ailleurs, si vous avez suivi l'activité du bitcoin avec le scandale de FTX qui s'est écroulé récemment aux États-Unis et le responsable va probablement aller en prison, il y a des scandales à punir. Donc nous devons être très très prudents. Moi, je suis un opposant au bitcoin comme une monnaie d'un État. Je dis bien d'un État. Les individus ou ceux qui veulent prendre des risques, les zinzins, comme vous dites, ils peuvent s'engager dans les bitcoins, mais les bitcoins ne peuvent pas servir comme outil monétaire pour un pays. C'est trop dangereux, surtout que nous n'avons aucun contrôle dessus. Et figurez-vous, si vous n'avez pas un contrôle dessus, et vous imaginez que ce n'est pas le cas des États-Unis ou d'autres pays qui, eux, malgré tout ce qu'on dit, ils ont un contrôle de ces outils-là. Et à tout moment, ils peuvent les manipuler dans un sens ou dans un autre. Vous avez la vraie richesse. Et notre ami l'a dit tout à l'heure. Vous avez de l'or. Vous avez du diamant. Le professeur Abou vient de préciser. Vous avez des terres fertiles. Vous avez toutes les conditions, toutes les ressources pour avoir la vraie richesse. C'est ça la vraie richesse. Le bitcoin, c'est pas une richesse. Donc, il vous suffit, et c'est une richesse que vous contrôlez, que la nature ou ceux qui croient en Dieu, que Dieu a mis sous vos pieds, vous n'allez pas aller spéculer sur du vent que les autres ont construit ou sur des logiciels d'informatique qui sont inventés ailleurs et sur lesquels vous n'avez aucun contrôle. Donc, je suis très, très prudent et je déconseille fermement que l'emploi des bitcoins comme une monnaie nationale. Par contre, le bitcoin est différent de la monnaie de banque centrale qui aura sa version électronique. La monnaie électronique de banque centrale, ce n'est pas du tout le bitcoin. Et il y a là une confusion peut-être, mais on n'a pas le temps d'expliquer cela. Je voudrais m'arrêter ici en vous remerciant de m'avoir donné la parole. Revenir dans nos prochaines éditions de débat pour voir un peu plus clair sur ces différentes monnaies numériques qui sont un peu plus nombreuses aujourd'hui. Afrique Média, le monde, c'est nous.